Jusqu'au 21 avril 2024, la Fondation Cartier pour l'art contemporain présente Le souffle de l'architecte, une exposition inédite de Bijoy Jain, fondateur du studio Mumbai et figure incontournable de la scène architecturale indienne. Dans cette création totale explorant les liens entre l'art, l'architecture et la matière, il déploie, en dialogue avec le bâtiment de Jean Nouvel, un espace de rêverie et de contemplation. Une expérience physique et émotionnelle à vivre à la Fondation Cartier. Bonjour, c'est Xavier Mauduit. Je vous propose d'aller flâner dans des lieux chargés d'histoire. Direction le musée de Cluny à Paris, quand le Moyen-Âge fait peau neuve. Et rendez-vous au musée d'Henry pour une incroyable collection d'art venue d'Asie. Une balade qui nous conduit de la Bibliothèque nationale de France, ainsi riche lieu, au cimetière du Père-Lachaise, l'histoire six pieds sous terre. Ces lieux de mémoire sont aussi ceux de la traite et de l'esclavage, sans oublier l'urbex, avec les aventuriers de la friche perdue. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Flânerie au musée de Cluny à Paris, le Moyen-Âge qui fait peau neuve, ils sont nombreux à nous attendre. Il y a des rois avec leur tête et puis des saints, juste le corps sans la tête. Il y a des trésors aussi, il y a la dame à la licorne bien sûr. Allez, c'est parti pour la visite. Bonjour Séverine Lepape. Bonjour. Nous sommes dans la rue. Vous nous accueillez devant le musée de Cluny que vous dirigez. Nous sommes dans la rue du Sommerard, une rue qui a été requalifiée il y a de ça 3 ans, en 2018, parce que la rue, ça on l'oublie, elle faisait partie du projet. La question de l'accessibilité, elle se joue dès la rue. Et avant, si vous en avez le souvenir, c'était une rue passante, il y avait des trottoirs. Oui, c'était une rue où il y avait des voitures ici. Donc là, c'est une rue piétonne, comme on dit. Et elle est intégrée dans ce projet de peau neuve donné au musée de Cluny. C'est une sorte d'extension du projet que de pouvoir avoir cette insertion urbaine la plus optimale possible du lieu. Et ça commence effectivement par ses abords. Séverine Lepape, quel est ce bâtiment? Parce que j'ai des souvenirs du musée de Cluny, ce bâtiment n'y était pas. Non, c'est le bâtiment d'entrée de notre nouvel accueil qui a été inauguré en juillet 2018, qui est l'œuvre d'un architecte que nous aimons beaucoup, Bernard Desmoulins. Il travaille avec des plaques de fonte ou d'alu, avec l'idée que ces plaques de fonte d'alu sont toutes uniques, qu'elles ont joué avec la lumière, et on le voit très bien, cette aspérité de surface change au fur et à mesure des heures du jour et de la nuit. Et puis surtout, c'est un architecte qui travaille sur le déjà-là, c'est-à-dire que c'est un architecte qui à la fois fait œuvre, et œuvre résolument contemporaine, mais tout en étant très soucieux de s'intégrer dans un ensemble, vous l'avez compris, quand même très important, puisqu'on a les vestiges antiques, on a un bâtiment pastiche des années 1870-1880, et on a l'hôtel médiéval. Donc il fallait qu'il trouve une solution, un geste, mais qui soit un geste respectueux, et ça, il insiste beaucoup là-dessus. Et c'est ce travail-là qu'il a fait avec cette idée de pignon, de vêture, et puis ce motif que vous avez sans doute vu sur les grilles qui reprend un motif de dentelle de la pierre du tambour de l'escalier de la chapelle où on ira sans doute. Ruines antiques, l'hôtel médiéval, le pastiche du 19e siècle et puis un bâtiment du 21e, c'est à quelques millénaires résumés là, d'architecture ici. Dès la rue, on est face à un voyage architectural, hein. Ça c'est une évidence. Séverine Lepape, on commence le voyage? Oui. On y va, on rentre. Alors là, nous sommes dans l'entrée du musée de Cluny. Michel Huyn, bonjour. Bonjour. On voit ici des vestiges antiques. Juste à côté, il y a l'hôtel médiéval. Pas simple d'insérer un bâtiment du 21e siècle dans tous ces éléments. Non, mais en même temps, c'est le cours et la vie de l'histoire d'une ville, hein, qui se remplit, se vide, se re-remplit, se revide. Là, nous étions depuis le courant du 19e siècle dans un mouvement plutôt de vide. Et la ville ayant voulu révéler ses ruines antiques d'un côté et puis l'hôtel médiéval de l'autre en dégageant des constructions parasites. Et puis finalement, les besoins se faisant sentir, on construit de nouveaux bâtiments. Donc c'est une lente pulsation urbaine, tout à fait normale. Alors en revanche, c'est compliqué à comprendre parce que vous avez d'un côté... On peut ressortir sur une passerelle. Ouais, sur un petit panorama. Qui est une passerelle d'ailleurs en BFUP, qui est un béton assez extraordinaire parce que pour quelques centimètres d'épaisseur, vous avez une portance tout à fait remarquable. C'est un béton qui est fibré. Et il se trouve que ici, nous avons aussi pratiquement 2000 ans d'histoire du béton. Alors, je dis comme ça, ça fait tout de suite peur, ça fait promoteur. Mais en réalité, la construction de techniques romaines, gallo-romaines, emploie beaucoup de béton. Nous avons des bétons avec des coffrages très, très frais, des bétons planches qui datent d'il y a 2000 ans et puis d'autres qui datent d'il y a 4 ans. Et c'est une sorte de continuité de l'histoire de l'architecture et de la construction. Ça fait rêver. Hein. Dites-nous, là, nous avons ici des ruines antiques. De quoi s'agit-il ? Alors, il s'agit des vestiges des thermes de Lutèce, des thermes du nord de Lutèce. Ces établissements faisaient partie de la culture, de la civilisation antique romaine. C'était des lieux à la fois de rencontres, de détente, de plaisir. On pouvait s'y baigner, pratiquer du sport, de la toilette et toutes autres formes d'activités, ce qu'on ne détaillera pas pour des raisons de morale évidentes. On pourra peut-être détailler plus tard, on va voir, parce que là, nous sommes à l'extérieur, nous les voyons de l'extérieur, oui. Mais nous pouvons les voir de l'intérieur. Nous pouvons les voir de l'intérieur, bien sûr, parce qu'il en reste en élévation, ce qui est absolument unique dans nos latitudes. Oui, parce que cette élévation, c'est-à-dire que les voûtes sont elles-mêmes antiques. C'est quand ? C'est premier siècle, oui, donc ça fait 2000 ans. Et c'est surtout une technologie qui est à la fois simple et complexe. Hein. Ce sont des petits moellons de pierre, des rangs de briques, et puis agglomérés par des quantités énormes de mortier et puis de gravats. Les voûtes sont très très épaisses, mais c'est quelque chose qui survit mieux dans les climats doux et méditerranéens que dans les climats septentrionaux. Or, ce qui a préservé cet ensemble, c'est la ville en fait. C'est la ville proprement dite, parce que quand il y a des édifices, même s'ils sont abandonnés quelques siècles après leur construction, ils deviennent tout de suite une source d'occupation pour les habitants. Donc vous avez déjà des murs qui sont construits, vous les économisez, vous n'avez pas besoin de les construire. Et la ville a ainsi fabriqué une sorte de gang, comme un kyste, si vous voulez, protecteur de la matière antique. Et donc là, nous sommes dans le Frigidarium, donc c'est la grande salle froide des thermes, éclairée par quatre fenêtres hautes. Sa voûte culmine à 15 mètres de haut environ par rapport au sol sur lequel nous sommes. Sol qui est d'ailleurs le nucléus antique de la mosaïque, c'est-à-dire la partie de colle, si vous voulez, de ce décor. Donc on est à moins 2 cm à peu près par rapport au vrai niveau antique, ce qui est tout à fait extraordinaire. Et la voûte, pour elle-même, est extrêmement épaisse. Elle fait 2 mètres d'épaisseur à son point le plus fin. Donc c'est une voûte colossale, et tellement colossale qu'elle recueillait ou qu'elle comportait sur son extrados, donc à l'extérieur, des jardins suspendus au XVe siècle. Elle a 2000 ans. Elle a 2000 ans. Et elle tient toujours. Et c'est très très solide. La mosaïque n'est plus là. Non, la mosaïque n'est plus là. Il y a des éléments de mosaïque, c'est-à-dire qu'ici on va... Des petits fragments, parce qu'ici on voit des éléments lapidaires un peu partout. C'est ici qu'ont été rapportés ce qui a pu être trouvé ailleurs dans Paris. Voilà, c'est ça. À la fois dans le cadre des transformations urbaines et des démolitions d'édifices, mais aussi de découvertes fortuites. Ce n'étaient pas des bâtiments qui étaient habitables, ils étaient exploitables pour du stockage. On a eu un tonnelier, par exemple, à la fin du XVIIIe siècle. Mais ensuite, ces grands espaces ont permis d'accueillir tout ce lapidaire précieux qui correspondait au goût, disons à la redécouverte de l'Antiquité et ensuite du Moyen-Âge, pour lequel le début du XIXe avait fait une manifestation importante, surtout après les événements de la Révolution précédente. Et on voit des éléments, moi je suis toujours fasciné, hein, parce que sans la compréhension, on voit une jolie pierre sculptée, un peu abîmée, puis avec la médiation, avec l'explication, il est des nôtres, c'est le pilier des nôtres. C'est le pilier des nôtres. Une vraie signification, c'est très fort aussi dans l'identité même de Paris, ce lien qu'il y a entre l'Antiquité et puis cette très longue histoire. Alors oui, en effet, et ça montre les occupations et la transformation d'une société qui est une société celtique et gauloise en une société qui ensuite se romanise, s'intègre dans un système géopolitique un peu plus important et qui marie et qui confond ou qui fusionne à la fois des sources d'influence et puis aussi des moments de civilisation. Séverine Le Pape, dans ce musée de Cluny, nous sommes sur un temps très long. Nous parlons du musée du Moyen-Âge, bien sûr, mais ici, nous sommes dans un bâtiment qui est là, nous y sommes, il y a la voûte au-dessus de nous, du 1er siècle de notre ère. C'est une problématique aussi difficile à mettre en place pour faire que les gens comprennent cet ensemble très vaste. Vous jouez sur le temps très long. Oui, tout à fait. Mais Jacques Le Goff disait que le Moyen-Âge s'arrêtait au 19e siècle, au 18e siècle. Donc on a l'habitude du temps long. Non, c'est sûr que c'est l'identité de notre lieu, que de notre musée, que d'avoir effectivement un pied dans cette antiquité, hein, de la fin du 1er siècle. Et puis ensuite, ce bâtiment de l'hôtel de la fin du 15e siècle, qui ont vécu ensemble, hein, qui l'un participant de la préservation de l'autre. Il faut aussi ajouter à cela, et ça on s'en rend moins compte quand on visite aujourd'hui le musée du Cluny, qui est le musée national du Moyen-Âge, qu'originellement les collections d'Alexandre du Sommerard qui ont servi de noyau, et même au-delà ensuite, étaient beaucoup plus larges que le seul Moyen-Âge, hein, Renaissance, 17e, 18e, on présentait même des carrosses au musée de Cluny qui sont maintenant au dépôt à Compiègne. Au 19e siècle, il y avait l'idée qu'on était ici dans un musée des antiquités nationales, un musée de l'histoire de France, qui faisait la couture avec, d'un point de vue urbain avec les Mathurins qui étaient à côté et qui ont été démolis dans le courant du 19e siècle, seconde moitié du 19e siècle. Donc le temps long, ça fait partie de l'identité du musée de Cluny. C'est juste qu'aujourd'hui, on montre la partie, on dirait, émergée de l'iceberg, le Moyen-Âge. On s'est spécialisé. Vous savez que le musée des Coins, le musée de la Renaissance, il a été conçu à partir des collections du musée de Cluny. Le musée d'art et d'histoire du judaïsme a été conçu à partir des collections de Judaïka du musée de Cluny. Donc on est une grande matrice, en fait. Et donc cette question du temps long, on l'assume parfaitement. Séverine Le Pape, alors là, nous quittons le Frigidarium. Tout à fait. Où il est censé faire hyper froid, mais il fait très très bon. Il fait bon. Et là, d'un coup, nous changeons d'univers, mais en réalité sans changer, parce qu'il n'y a pas une rupture entre l'Antiquité et le Moyen-Âge. Tout ça se fond doucement, mais avec des pièces assez conséquentes. En l'occurrence, là, nous sommes devant un portail d'église. Un portail, le portail de la chapelle de la Vierge de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, qui a longtemps été dans notre jardin. L'histoire du musée de Cluny, c'est aussi une histoire de dépôt lapidaire, à l'intérieur du Frigidarium et aussi à l'extérieur dans un jardin Napoléon III ou romantique où on aimait bien mettre de la sculpture. Aujourd'hui, on ne le fait plus pour décorer. Et puis donc, ce remontage se fait au moment où on décide d'investir la salle devant laquelle nous nous trouvons, c'est-à-dire dans les années 80, pour y abriter une découverte absolument formidable. En 1977, on trouve 21 têtes provenant de la galerie des rois de Juda, donc sur la façade occidentale de Notre-Dame, enfouie dans les sous-sols de la banque qu'on appelait à l'époque française du commerce extérieur, la banque Natixis, qui fait des travaux. Et on trouve ces 21 têtes. 21 têtes sur 28, dans un état, somme toute, quand même assez incroyable. Et le conservateur d'époque, le directeur Alain Brandenburg, comprend tout de suite ce dont il s'agit et arrive à obtenir le don, puisque c'est un don, de ces 21 têtes au musée de Cluny. Et ça nécessite forcément, en tous les cas, ça encourage et ça nous permet d'avoir une nouvelle salle complètement créée à cette période. La scénographie date de cette période, donc on y a très peu touché, mis à part la jonction d'une petite vitrine de peinture, donc ces éléments métalliques qui étaient sur les portes médiévales. Donc une salle extrêmement lumineuse, très moderne déjà pour les années 80, au-dessus de laquelle le conservateur fait en forme de mezzanine, une sorte de bloc dans laquelle on place l'orfèvrerie la plus précieuse de toute la période que conserve le musée de Cluny. Alors aujourd'hui on présente un parcours chronologique, c'est la grande nouveauté de ces travaux, dans laquelle des morceaux intouchés viennent, on l'espère avec harmonie, s'insérer. Donc la salle Notre-Dame, on présente des œuvres de 1160 jusqu'en 1260. Donc on arrive dans le parcours, on était dans le Frigidarium tout à l'heure, nous ne sommes pas repassés par la salle qui parle du haut Moyen-Âge, donc on est autour des années 500-600 jusqu'à l'an 1000. La grande salle romane gothique où on présente les œuvres de l'an 1000 jusque dans les les années jusqu'à la fin du XIIe siècle. Et puis ici, la salle Notre-Dame, qui est à la fois une salle qui parle d'un monument, qui parle d'un édifice, mais qui parle aussi de la question de la sculpture d'un siècle, hein, je vous dis entre 1160 et 1260. Et ça permet aussi de parler de l'importance de Notre-Dame au musée de Cluny. Je vous ai parlé de cette découverte de 1977, elle est importante, mais dès le XIXe siècle, en fait, le musée de Cluny est pensé comme le lieu où l'on va pouvoir montrer ce qui n'est plus repositionné, ce qui n'est plus considéré comme repositionnable dans la cathédrale, alors en train d'être complètement restauré par Viollet le Duc et ses collègues. Et c'est très impressionnant hein, de voir en fait toutes ces têtes et à côté tous ces corps sans tête. Il y a des têtes sans corps, des corps sans tête. Hein. C'est un peu le Moyen-Âge n'a pas peur des morceaux. Hein. Non, c'est ça. Mais c'est surtout que c'est plusieurs histoires en fait qui sont racontées ici. C'est ça qui est fabuleux, c'est d'avoir cet écho antique qui est juste là à côté et on le voit ici. Évidemment, Notre-Dame, c'est le Moyen-Âge, mais c'est aussi l'histoire de Notre-Dame, la destruction de ses têtes. Le 19e. La fin du 18e. La Révolution et le 19e. Ce sont toutes ces histoires en fait qu'il faut raconter en même temps. On a une superbe table numérique qui nous permet de la raconter et qui donne aussi à expliquer, à comprendre des jalons ce qu'était la cathédrale au Moyen-Âge, l'importance de la Révolution française et puis le 19e. Parce qu'en fait, on parle beaucoup de la Révolution française, des dégradations, de ce vandalisme administratif dont sont issues les têtes, hein, puisqu'il s'agit clairement d'un marché qu'on passe, que les autorités passent pour dire qu'il faut enlever tous les symboles monarchiques. Donc c'est pour ça que les têtes qu'on considérait comme les rois de France, puis en fait des têtes de rois de Juda, sont mises à bas. Et puis ensuite, ça sert de gros œuvres pour faire des fondations. Mais le reste est plutôt le fruit de restauration du 19e siècle, hein, ce qu'on considère comme ne pouvant plus appartenir à la cathédrale et qui doit néanmoins être préservé. Donc c'est aussi l'histoire de la constitution du patrimoine, en fait, du goût et de l'importance du patrimoine. Et ça me permet de faire aussi un lien avec toujours le musée de Cluny. Le musée de Cluny, quand il est fondé, il est le siège de la commission des monuments historiques. Michel Huyne, vous êtes conservateur des monuments historiques. Cette notion de patrimoine liée au musée de Cluny, mais c'est quelque chose aujourd'hui dont nous avons du mal à saisir l'importance, la notion de patrimoine, parce que le patrimoine est une évidence pour nous. Il faut sauvegarder ce qui est précieux, ce qui est ancien. Ça n'a pas toujours été le cas. C'est une notion qui s'est construite. Ça dépend déjà de son acception, hein, mais c'est le patrimoine, ici plus particulièrement au sens monumental, au sens bâti. Ce qui fait tout notre intérêt, c'est que nous avons à la fois une synthèse de l'histoire architecturale sur quasiment 2000 ans, que nous avons des objets qui sont conservés, que nous avons été le lieu où s'est manifesté la théorie patrimoniale française dans les années 1830-1840. Le fait que le jeune service des monuments historiques, hein, qui voit sa naissance dans les années 1840, s'intéresse de près à Cluny, n'est pas anodin. Vous avez un hôtel particulier d'un côté, un hôtel particulier, c'est pas un petit château à la ville, et de l'autre côté, vous avez des vestiges antiques qui ont eu largement le temps, en 18 siècles, de se faire recouvrir par une ville. Et le premier mouvement est un mouvement de dégagement. On extrait de cette gangue de pierres, de cette gangue urbaine, l'expression n'est pas de moi, mais de Mérimée, qui était donc inspecteur général des monuments historiques, on dégage ces monuments. Sauf qu'à Cluny, on a peut-être un tout petit peu trop dégagé. Donc désormais, nous sommes ce qui est un condensé à la fois de l'histoire d'architecture pour 20 siècles, mais aussi d'une histoire patrimoniale, disons, pour un siècle et demi. Et cette histoire du patrimoine, c'est aussi une histoire d'émotion, parce que quand nous sommes dans le Frigidarium, nous sommes saisis par l'immensité du lieu. Et là aussi, mais la scénographie, la muséographie joue beaucoup, l'esthétique même, au-delà de la compréhension d'une œuvre, c'est hyper important. Alors oui, d'autant plus que nous réussissons, ces bâtiments, nous ne réussissons rien, mais ces bâtiments réussissent à marier des styles et des époques complètement différents, qu'on ne voudrait pas dire opposés, mais vraiment singuliers, dans une sorte d'harmonie heureuse, puisqu'ils cohabitent l'antique, le médiéval, le 19e et le 20e siècle. Et différents matériaux, parce qu'il y a la pierre et les vitraux, entre autres, hein, parce qu'il y a le métal. Vous êtes spécialiste du métal, hein, vous, Michel. Notamment, oui. Notamment. Non, mais c'est ça aussi qui est fascinant, Séverine Le Pape. Ici, nous sommes dans quelle salle ? Nous sommes dans la salle de la Sainte-Chapelle. Donc, c'est une jolie réunion qu'on ne pouvait pas faire dans l'ancien musée, de tout ce qui nous a été affecté provenant de la Sainte-Chapelle au moment où cette dernière est restaurée. Donc, on est aussi sur un peu une histoire similaire à Notre-Dame, même si c'est évidemment pas les mêmes acteurs et pas tout à fait la même temporalité. Et donc, on présente dans une évocation 6 des 12 apôtres qui ornaient donc la chapelle supérieure. Alors ça, sont des sculptures. Ce sont des sculptures originales. Elles viennent scander des vitraux. Donc la Sainte-Chapelle fondée par Saint-Louis, c'est en fait un reliquaire vitré. Hein. Il y a plus de vitres que de murs, hein, surtout pour la chapelle supérieure. Donc on essaye d'évoquer cette question-là, cette scansion de lumière du vitrail et donc de ces apôtres qui viennent ainsi constituer une église, hein, puisque ce sont les fondements de l'église du Christ, et au centre donc un des rares reliquaires qui appartenait au trésor de la Sainte-Chapelle de Saint-Louis. Mais la Sainte-Chapelle, aujourd'hui, on peut la visiter à Paris. Il y a des vitraux, toujours. Vos vitraux, ils viennent d'où ? Ils viennent de la Sainte-Chapelle, mais ils n'ont pas été repositionnés. Au moment où ils ont refait les programmes, ils ont isolé un certain nombre d'éléments qu'ils n'ont pas voulu repositionner, parfois parce que ils avaient des découvertes un petit peu postérieures par rapport à la réédification d'une baie. Et c'est comme ça qu'en fait, les choses nous sont parvenues. Et les apôtres eux-mêmes ont été jugés, alors on a du mal à le croire, mais ont été jugés par les architectes comme pas en assez bon état en fait. Ils ont préféré en faire des copies plutôt que de... Mais on en est content puisque du coup nous avons un patrimoine extraordinaire qui permet de parler de la Sainte-Chapelle d'un point de vue de l'histoire de l'art, parce que c'est aussi ça qui nous différencie de la Sainte-Chapelle qui est toujours ouverte. On invite évidemment tous les auditeurs à se rendre dans ce magnifique endroit, mais qui est un endroit qui a été... où le 19e siècle a fait son œuvre. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi montrer la question de la Sainte-Chapelle dans un discours d'histoire de l'art, en fait. Comment le style est important, pourquoi l'importance de ces vitraux, qu'est-ce que nous raconte le reliquaire. C'est ça qu'on essaye de montrer. C'est un dialogue, on le sent bien, entre toutes ces œuvres, qu'elles soient extrêmement fragiles au sens où il s'agit de verre, les vitraux, qu'elles soient solides, mais elles ne sont pas si solides que ça, en fait, ces sculptures, tellement elles sont sublimes. Et il y a ce reliquaire, c'est l'orfèvrerie, c'est ce dialogue constant. On va essayer de poursuivre notre visite. Pardon, madame. Alors moi, ce que je retiens aussi dans cette visite, c'est l'émotion, parce qu'il y a toutes ces œuvres, nous les comprenons. Parfois moins, dans tous les cas, en tout cas, il y a l'émotion de voir la beauté et l'esthétique. Béatrice de Chancel-Bardelot, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici dans quelle salle ? Alors, nous sommes dans l'ancienne grande salle de l'hôtel des Abbés de Cluny, qui nous permet de présenter des œuvres assez spectaculaires, comme un coffre qui vient de l'abbaye de Poissy, du couvent de Poissy, et aussi ce mur de clés de voûte. Donc ces clés de voûte gothiques avec ces magnifiques feuillages dont on reconnaît certains, le figuier, la vigne, etc., le lierre également. Ces clés de voûte viennent du collège de Cluny, donc un collège qui avait été construit par l'abbaye de Cluny pour permettre à ces moines de venir étudier à la Sorbonne. Et ce collège se trouvait non loin d'ici, dans des bâtiments qui ont disparu, donc qui ont été démolis au XIXe siècle et qui étaient sur la place de la Sorbonne. Parce qu'effectivement, le coffre est imposant parce qu'il est grand comme un appartement d'étudiant parisien. Non, mais il est immense. Hein. Ça se compte en mètres carrés. Et puis, ces clés de voûte. Mais la scénographie ici joue un rôle essentiel parce qu'en soi, une clé de voûte a une utilité. Elle tient la voûte. Ce n'est pas un élément esthétique, mais il est décoré. Et le choix muséographique, le choix de les présenter, ces différentes clés de voûte côte à côte, sont les pierres hein, qui sont vraiment au croisement des ogives. Voilà, c'est merveilleux. Hein. Oui, autrefois, dans le musée, ces clés de voûte étaient présentées au plafond et on ne les remarquait quasiment pas, je pense. Et dans la muséographie, donc, le scénographe Adrien Gardère a eu l'idée de les présenter verticalement, créant une sorte de damier, ce qui a été une petite gageure pour la réalisation. Puisque nous sommes ici dans l'hôtel médiéval, monument historique, il n'était pas question de faire des percements dans les murs originaux de l'hôtel. Et donc, il y a toute une structure métallique qui a été conçue par une entreprise de soclage pour permettre de les présenter comme ça, en damier, de façon très presque féerique. C'est vrai que c'est assez merveilleux de se balader, comme je le disais, avec cette double lecture, Séverine Le Pape, cette lecture de compréhension, parce que comme il y a la chronologie, ben, on voit l'évolution, et cette lecture esthétique. Oui. Parce que c'est le but d'un musée, hein, on va au musée pour se délecter et aussi pour apprendre. Et on essaye à chaque fois de manier les deux. Il y a un musée pour ceux qui veulent apprendre davantage. Et on a fait une médiation qu'on a essayé d'être bien, bien normée, c'est-à-dire en tout cas bien proportionnée. Une délectation. Et on peut même maintenant, on est à côté du café, parce que nous ne sommes pas que des êtres faits de l'esprit, conforter la chair en mangeant un petit quelque chose dans ce café des amis fort sympathique. Voilà, un café, non mais ce café qui nous conduit dans la cour. Alors ça, la cour du musée, bah, c'était par ici l'entrée auparavant. C'est ça. On entrait par la petite porte là que vous voyez. Donc la cour pouvait être vue et puis ensuite on s'acheminait vers l'est par cette petite entrée qui était les cuisines de l'hôtel médiéval. Michel Luynes, on me le dit là, enfin, Séverine Le Pape explique cette rénovation. Nous sommes dans un lieu historique, ce n'est pas un musée créé sur rien pour présenter des œuvres. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail aussi de réflexion, de recherche, de fouille, pourquoi pas, sur ce site même. Alors c'est d'abord, c'est le plus bel hôtel particulier médiéval parisien restant. Cela dit, c'est pas très difficile parce qu'il n'en reste que deux avec l'hôtel de Sens. Il en restait un troisième jusque dans les années 1841, au moment de la destruction de l'hôtel de la Trémouille, de l'hôtel Lejean, pardon, rue des Bourdonnais, à l'actuelle place de la Samaritaine. Mais cet hôtel-là, c'est presque le premier objet de la collection du musée. Ça a été une maison qui a connu des habitants successifs, des locataires peu scrupuleux, parce que la conscience patrimoniale n'existait pas. Et il a fait l'objet de toutes nos attentions. Il devrait continuer d'ailleurs à faire l'objet de toutes nos attentions. Dès les années 1840. Et on a un architecte en chef des monuments historiques, Albert Lenoir, qui est le fils d'Alexandre Lenoir, qui était le fondateur du musée des monuments français, s'intéresse à Cluny dès 1833, et il en conduit la restauration pendant presque une quarantaine d'années. Donc il dit dans ses écrits que tout ce qu'il a trouvé, il l'a restauré. C'est-à-dire qu'il l'a... Il a eu une approche véritablement archéologique, au sens où il a préservé le moindre élément de substance. Ce qu'il n'a pas pu sauver, parce que soit ça n'existait plus, soit c'était dans un état tellement épouvantable qu'on ne pouvait même pas sauver de la matière historique, alors il l'a recréé, de sorte à ce que ce soit le plus à la fois crédible possible, mais parfaitement identifiable. Le crénelage que vous voyez là, c'est assez étonnant de voir ce mur crénelé en plein Paris. En réalité, il restait un merlon. Alors le créneau, c'est le vide, le merlon, c'est le plein. Et il restait, dans les années 1840, un seul merlon, c'est le deuxième en partant de la gauche, qui servait d'appui à une souche de cheminée pour une petite maisonnette qui était construite, dont on voit encore le solin de la toiture en appentis adossé à la loge d'entrée. Et c'est ce qui a permis à la fois de trouver le profil du merlon, son espacement, et donc de restituer un crénage complet. Donc on a un objet architectural, un monument historique à part entière, fragile, mais néanmoins présent et pérenne dans la ville actuelle contemporaine. Et puis là, on rentre de nouveau dans le musée, c'est-à-dire on quitte la cour. Voilà, alors, Béatrice de Chancel-Bardelot, où sommes-nous dans cette salle ? Nous sommes dans la grande salle de l'étage, donc une salle qui est consacrée à l'art du XIVe siècle, quelques œuvres anglaises, mais surtout de l'art français, à une époque qui est celle de la guerre de Cent Ans, mais qui est une époque merveilleuse avec la création de démos sur argent, translucides ou semi-translucides, la création toujours d'ivoire, comme on a vu dans les salles du rez-de-chaussée, ces ivoires parisiens, ivoire d'éléphant taillé très fin, avec des thèmes religieux ou courtois, et puis aussi de l'orfèvrerie. Un trésor. Alors, le mot trésor, ça fait rêver toujours. Le mot trésor, nous avons même deux trésors, le trésor de Gaillon et le trésor de Colmar. D'authentiques trésors au sens où il s'agit de découvertes. Ce sont des découvertes fortuites. Le trésor de Gaillon, donc un ensemble d'écuelles, à nappes, de gobelets médiévaux, certains avec des poinçons, puisqu'on commence à avoir des poinçons au XIVe siècle. Et puis un trésor très émouvant qui est le trésor de Colmar, retrouvé donc au XIXe siècle dans une habitation particulière à Colmar, composée de bijoux, donc un certain nombre de bagues. Une bague de mariage juive avec un chaton en forme d'édicule, en forme de presque de temple hexagonal avec l'inscription Mazel Tov dessus. Et également des éléments de ceinture et une clé en argent qui servait à la propriétaire de ces bijoux à les mettre sous clé au moment du sabbat et à aller à la synagogue avec seulement un modeste bijou d'argent. Ces bijoux étaient accompagnés de petites pièces de monnaie d'argent ou d'alliage d'argent, d'un florin d'or daté de la première moitié du XIVe siècle. Et très vraisemblablement, cela correspond aux persécutions antisémites qui se sont développées en France et dans l'Empire, puisque Colmar, ça n'est pas la France à l'époque, c'est l'Empire, à la suite de la Grande Peste, donc de 1347, 48, 49. Donc vraisemblablement, malheureusement, des pièces qui ont été abritées, qui n'ont pas été récupérées ensuite par leurs propriétaires. Oui, la période de la peste, mais là nous avons ici la beauté de l'œuvre et puis la qualité d'exécution de cette orfèvrerie, et puis cette histoire qui est racontée, c'est un peu systématiquement ça en fait, quand on visite le musée de Cluny, c'est le lieu, vous nous l'avez dit, cette salle, à quoi elle servait, les œuvres à l'intérieur, l'histoire même de ces œuvres. Qu'est-ce qu'on voit là-bas sur le mur? Parce que le mur est blanc, mais il y a comme un, je ne sais pas comment on appellerait ça, un petit encart avec de la vieille peinture. Le musée, évidemment, c'est plus de 500 ans d'histoire et nous sommes dans un monument historique et donc nous avons souhaité, avant de repeindre, et même je crois que mon collègue Michel Mille l'avait fait un peu avant, avoir une idée des couches successives de peinture qui ont recouvert au cours des décennies et des siècles ces murs. Et donc il y a une échelle stratigraphique qui montre tous les niveaux différents de peinture qui ont pu les recouvrir. Donc dans un endroit peut-être un peu plus protégé, l'ébrasement de fenêtres. Voilà, le brun était plus à la mode qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est sur des tons plus clairs, on va dire. On va à la chapelle ? Allez. Voilà, donc là, la cheminée gigantesque. Hop, encore un Jésus qui saigne. Une salle, encore une fois, avec l'orfèvrerie, les vitraux. Quand le vitrail s'inspire de la sculpture, toujours ce va-et-vient, ces échos. Et si nous continuons, ah ben ça y est, là il y a un peu de peinture. Ah ben tiens, je vais en profiter, on va demander à Séverine Le Pape. Dites-moi Séverine Le Pape, ici là je vois ce qu'on pourrait qualifier de tableaux. Enfin, ce sont des tableaux sur bois. Musée de Cluny. Nous sommes sur un musée du Moyen-Âge, mais pas seulement, mais pas un musée de peinture non plus. Non, c'est sûr qu'il y a la peinture médiévale, elle est représentée surtout au Louvre. Toutefois, dans les collections dès l'origine d'Alexandre du Soma, il y a l'idée, on en a un exemple là, d'avoir des panneaux qui de la fin du Moyen-Âge qui permettent de comprendre aussi cette production-là. Donc on n'est pas un musée de référence de peinture, de beaux-arts et de peinture. Toutefois, en tant que musée du Moyen-Âge, il est très important d'avoir une jolie représentation de ce que pouvait être la peinture française. Pas seulement, c'est vrai qu'on, pour la fin du Moyen-Âge, on est plutôt spécialisé sur la peinture française. Et cette œuvre-là qu'on a sous les yeux, c'est une magnifique acquisition qui a été faite en 2017, une œuvre qui a été déclarée d'intérêt patrimonial majeur. C'est le dernier panneau peint à notre connaissance, évidemment, de cet artiste qu'on appelle le maître de Moulins et qu'on a reconnu maintenant comme Jean Hay, donc qui est actif dans le dernier tiers du XVe siècle, d'abord formé par un Flamand, Hugo van Bergos, et puis ensuite qui vient travailler en France, et notamment pour la fille de Louis XI. Et c'est un tableau qui était en main privée et qu'on a souhaité acheter et qu'on a pu acheter. Donc ça montre que le musée de Cluny continue d'acheter aussi des peintures médiévales parce que c'est un des modes d'expression. Là, on est dans une salle seconde moitié du XVe siècle où ce qu'on veut montrer, il y a beaucoup plus de peintures qu'ailleurs, c'est qu'il y a ce médium qui prend de plus en plus d'importance en termes d'expression artistique et aussi que l'artiste peut devenir progressivement identifié. C'est un des exemples, donc avec ce monsieur Jean Hay qui nous donne une version extraordinaire d'une Vierge à l'enfant où à la fois elle lui donne le sein et puis le petit bébé tête son pouce en même temps. C'est un tableau de dévotion très haut niveau, hein. Un commanditaire évidemment qui a les moyens de pouvoir s'acheter une peinture, mais c'est un tableau de dévotion et c'est aussi ce qu'on veut montrer dans cette salle avec aussi des vitrines dévolues avec des objets plus modestes à la question de la dévotion au Moyen-Âge. Et puis avec toujours ces œuvres hein, qui se répondent parce que la Vierge à l'enfant, on va le retrouver aussi en sculpture. Évidemment, il y a ce tableau, ce qui nous conduit doucement jusqu'à ce lieu absolument sensationnel et incroyable. D'ailleurs, on sent hein, qu'on change d'ambiance immédiatement. C'est la chapelle. Michel Huyne, venez donc me voir. Il y a de l'écho. Il y a de l'écho parce que c'est vide, c'est très minéral. Et c'est une pièce plus presque cubique. C'est la chapelle de l'hôtel des Abbés de Cluny. Alors, c'est une chapelle privée. Elle est située à l'extrémité nord d'une petite aile en retour, ce qui lui permet, en conséquence de quoi ? D'être orientée, c'est-à-dire d'avoir un de ses côtés à l'est, le côté de l'hôtel. Elle est presque de plan carré et elle repose toute sa voûte qui est d'une complexité extraordinaire puisqu'elle a des plans successifs. Hein, vous avez les ogives, liens de tir sur roue à l'intérieur du remplage et au fond du remplage flamboyant, il y a cette surface plane bleue que l'on a retrouvée à l'occasion de la restauration de 2016. Alors il y a aussi encore dans cette chapelle 12 emplacements pour des sculptures. Normalement on pense à un collège apostolique quand on a 12 places. Mais là le commanditaire avait un ego particulièrement développé puisqu'il fait figurer en lieu et place des 12 apôtres mais dans sa propre chapelle, ses 12 frères, nièces et neveux et sœurs qui ont le mieux réussi dans la vie. Parce qu'évidemment il opère une sélection, il est issu d'une fratrie de 17, ce qui ne pouvait pas coller avec le chiffre de 12. Donc il opère cette sélection. Et c'est à la fois un manifeste de soi-même, mais comme l'architecture l'est toujours, hein, c'est un acte social d'expression de sa position. C'est aussi un chef-d'œuvre de l'architecture gothique flamboyante, en rien comparable, dans Paris en tout cas, et qui marie un décor à la fois peint et sculpté. Vous le voyez dans le cul-de-four de l'abside, où ces sculptures des anges portant les instruments de la passion entourent le Christ, tandis que la Pietà a disparu. Au centre, une Pietà sculptée dont on a des témoignages que par quelques rares sources, mais on peut deviner au niveau de l'appui de la baie centrale un petit délardement de la matière et ça correspond à l'emplacement de la nuque ou de la tête de la Vierge. Et de part et d'autre, en trompe-l'œil, une peinture incroyablement riche en couleurs, deux saintes femmes éplorées. Donc c'est un mélange de techniques qui donne un décor complet. Il manque évidemment les vitraux, nous ne conservons qu'un panneau de ces vitraux qui ont disparu, on va dire, après la Révolution. Et des éléments sculptés partout hein, avec de la vigne, les grappes voilà. De raisin, Cluny, hein, Cluny c'est la Bourgogne. Mais aussi des choux gothiques, vous hein, voyez, ah, oui. ces grands choux frisés. Qui des sont, choux gothiques et un petit lapin. Et un petit lapin. Alors il y a des escargots aussi, il y a pas mal de bestioles qui se promènent même dans ces rinceaux qui ornent le bas des consoles. Et surtout, dans l'angle, un escalier en colimaçon. Cet escalier est l'accès privilégié au jardin. Il y avait plusieurs jardins à l'époque. Il y avait des jardins suspendus, je vous en ai parlé, sur les voûtes du Frigidarium et sur les voûtes de la salle désormais dite salle romane. Mais il y avait aussi un jardin de plein pied. Et comme la parcelle était étroite, pour ne pas arriver depuis le corps de logis sur une parcelle extrêmement large et peu profonde par rapport à son axe, on a désaxé simplement cet accès en utilisant la chapelle, l'arrivée à l'étage, puis la descente pour arriver dans un espace voûté et dérégler le GPS interne de l'habitant des lieux. Voilà, mais c'est vous qui êtes notre GPS aujourd'hui, Michel Huyne, au musée de Cluny. Et si je sors de la chapelle, parce que dans la chambre de l'abbé. La chambre de l'abbé, c'est sublime. Voilà. Tout ce que nous traversons n'est que l'ancien appartement de Jacques d'Amboise. Donc c'est cet appartement qui a été desservi par un escalier hors œuvre, c'est-à-dire ce grand escalier qui est dans la tour, dans la cour, et qui déploie des pièces de plus en plus petites au fur et à mesure qu'on s'éloigne de cet axe-là, parce que ce sont des pièces de l'intime. Mais il faut bien comprendre que ces centaines de mètres carrés, 300-400 que nous avons par appartement, correspondent à un appartement avec toutes ses fonctions, des fonctions de réception, des fonctions d'habitation, des fonctions de dévotion. Nous allons traverser une galerie, qui est la plus ancienne galerie conservée dans un hôtel particulier à Paris. Évidemment, on a tous en tête la galerie du Comte de Toulouse, la galerie de Fontainebleau, mais là, on est à la fin du XVe siècle et on traverse une galerie, donc un organe qui est long, qui n'est éclairé que d'un côté et qui est en cul-de-sac. Mais évidemment, le XIXe a ouvert des circulations vers l'ouest pour permettre de rejoindre des bâtiments neufs du XIXe siècle, et en particulier celui dans lequel est la Dame à la Licorne. Michel Huyne, je m'arrête deux secondes parce que ça, c'est quoi ces trucs ? C'est quoi ces trucs ? Alors, c'est de la ferraille. Dans cette vitrine, il y a une sélection de serrures plutôt du XVe siècle. Ce sont des serrures avec des mécanismes extrêmement compliqués. Il y a une des rares horloges gothiques que nous conservons encore. Et puis un astrolabe de la deuxième moitié du XVe que nous venons d'acheter. Alors l'astrolabe, c'est quand même une sorte de petit ordinateur qui est capable de calculer des positions d'astres, des dates, des heures. C'est un outil absolument extraordinaire, mais qui permet aussi une compréhension du monde médiéval bien plus complexe et beaucoup plus raffiné sur le plan scientifique que on veut bien s'imaginer. C'est impressionnant, vraiment impressionnant par la complexité et la beauté en fait de ces objets. Et ça y est, elle est là. C'est cette salle de la Dame à la Licorne. Alors venez à mes côtés, Béatrice de Chancel Bardelot, la Dame à la Licorne. C'est un peu un des éléments les plus connus du musée de Cluny, bien sûr. Qu'est-ce qu'il fallait faire ici pour exposer de nouveau la Dame à la Licorne ? Qu'apporter de nouveau dans la présentation ? Alors, la Dame à la Licorne bénéficie d'une salle pour elle toute seule depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette salle était déjà celle-ci. Nous avons repris un peu le principe qui avait été adopté dans les années 80 d'une présentation avec une sorte de couloir de circulation. Mais ce qui est peut-être plus nouveau maintenant, c'est de présenter les œuvres sur des plans très légèrement inclinés. Ces tapisseries sont énormes. Une meilleure conservation. Ces tapisseries sont grandes. Elles mesurent environ 3,70 m par entre 3,20 m et 4,50 m pour les plus grandes. Ce ne sont pas les plus grandes tapisseries existantes. Vous avez l'Apocalypse d'Angers à Angers, qui est la plus grande tapisserie conservée au monde. Vous avez les chasses de Maximilien au Louvre qui sont plus tardives, mais qui sont aussi beaucoup plus grandes. Ce sont de grandes tapisseries, ça n'est pas une taille exceptionnelle. Il y a quelque chose d'extrêmement généreux aussi dans cette présentation, c'est la proximité que l'on peut avoir avec l'œuvre. Alors pour nous, ça fait partie vraiment du projet du musée. Le musée auparavant déjà offrait une certaine proximité entre le visiteur et les œuvres. Et nous souhaitions conserver cette proximité. Et on peut détailler effectivement le fond rouge, les mille fleurs, les animaux, avec ces lapins qui sont un peu stéréotypés, qui sont créés avec des petits patrons qui sont répétés, et puis des animaux plus individualisés, les oiseaux, le faucon et le héron de part et d'autre de la tente de mon seul désir, le lion, la licorne, et puis les somptueux habits de la dame et de la demoiselle. Les cinq sens sont évoqués dans ces six tapisseries, donc on ne sait toujours pas le sens précis de la sixième. Voilà, donc la signification avec les cinq sens a été découverte dans les années 1920. Et la sixième tapisserie avec la dame devant une tente et cette inscription « Mon seul désir » reste la plus mystérieuse. Est-ce que c'est le sixième sens, le sens du cœur qui va gouverner les autres sens ? Quelle signification accorder à cette tapisserie ? On n'a encore pas vraiment trouvé la vraie clé, mais peut-être y en a-t-il aussi plusieurs à juxtaposer. Bah écoutez, en tout cas, c'est un bonheur de se retrouver ici, si proche et complètement entouré, en fait, de toute cette tapisserie et de la dame à la licorne. Vous m'indiquez le chemin à suivre pour continuer la visite ? Donc, c'est pour continuer la visite, vous allez vers les coffres et ensuite vous prenez sur la droite et on arrive dans la dernière salle, la salle 21, consacrée au retable et avec une tapisserie de cœur venant de Saint-Étienne d'Auxerre. Alors, nous quittons la dame à la licorne, nous allons vers cette salle. Ah oui, oui, oui, tout de même, c'est extrêmement impressionnant. Séverine, le pape. Ah oui, non, mais là, c'est... Oui, on a un très joli point de vue sur cette, sur cette salle qui, est vraiment, qui a été conçue comme un bouquet final. Nous, sommes, donc, nous évoquons la question de la sculpture et de la religieux à la fin du Moyen-Âge, entre les années 1480 et 1520, avec là aussi l'idée d'une ambiance, une ambiance qui évoque un chœur liturgique, puisque si on s'approche, on va découvrir des stalles, donc ce mobilier pour des chanoines notamment qui viennent d'une collégiale de Saint-Lucien de Beauvais. On y trouve un lutrin, on y trouve évidemment une succession de retables, ces retables qui à la fin du Moyen-Âge inondent l'Europe, qui sont pour la plupart souvent faits dans le nord ou de la France ou du côté de Bruxelles ou d'Anvers et qui voyagent partout. Une espèce d'international du retable qu'on retrouve en Espagne, enfin voilà. Et puis tout autour, surtout, ça c'est la première fois et c'est la rénovation qui nous le permet, nous déployons les 40 mètres que compte cette gigantesque tenture consacrée à l'histoire de Saint-Étienne, qui était la tenture de cœur de la cathédrale d'Auxerre. Et on peut suivre enfin, telle à une bande dessinée, l'histoire progressive de ce saint en plusieurs étapes, son martyr, les miracles, etc., etc. Et tout autour, donc, dans les vitrines, des reliefs provenant de retables, mais qui sont aujourd'hui détruits ou dispersés, de différentes aires géographiques, et un certain nombre aussi de peintures religieuses. Donc, c'est une manière de finir en beauté avec un Moyen-Âge extrêmement lumineux. Ça, c'est quelque chose auquel on tenait énormément, qui permet vraiment au public de comprendre que le Moyen-Âge n'est pas un temps obscur, c'est un temps de couleur, c'est un temps de vie, c'est un temps où l'on montre beaucoup les scènes pour les faire comprendre. Et on espère surtout que le public reviendra et trouvera ça enthousiasmant. Ah bah, en tout cas, c'est vrai que là, c'est retable en bois, mais c'est de la dentelle, c'est absolument fou. Et de comprendre grâce aux vitrines comment en fait ils sont construits, c'est génial. Et dans cette vitrine, il y a ce petit enfant Jésus, tout rose et souriant, et tout en couleur. Bah oui, voilà, c'est ça aussi. Hein. Ce ne sont pas que des Jésus ensanglantés, le Moyen-Âge. Non, c'est absolument merveilleux. Vous devez filer. Merci oui, beaucoup. Oui, merci à vous. Séverine le Pape. Merci, merci. Madame la directrice du musée de Cluny. Merci, Madame la directrice du musée de Cluny. Et nous, on continue, on va aller dans cette salle là-bas. Alors, il faut passer entre les retables. C'est absolument fou hein, de voir cette richesse absolue. Et donc, Michel Huyn, où sommes-nous ? Dans la dernière salle, c'est une exposition temporaire consacrée à l'histoire récente du musée. Alors, récent pour nous, ça commence dans les premières années du 19e siècle. Mais ça montre surtout une histoire, à la fois une histoire urbaine, ce qu'on disait, une histoire patrimoniale, comment on découvre ces vestiges antiques, comment on se réintéresse au Moyen-Âge, comment le quartier évolue. C'est cette histoire qu'on raconte. Et c'est cette histoire en fait qui nous plaît au musée de Cluny, parce que ce n'est pas l'histoire au singulier, ce sont plein d'histoires qui se croisent. Merci beaucoup, Micheline, de nous avoir guidés. Et merci beaucoup aussi à vous, Béatrice de Chancel-Bardelot, de nous avoir présenté toutes ces œuvres, de nous avoir présenté le lieu lui-même, et puis cette histoire qui s'écrit sur le temps très long de l'Antiquité, en fait, disons-le, à aujourd'hui. Oui, nous sommes sur des temps longs et nous ne travaillons que dans du temps long. C'est-à-dire ce que nous faisons, nous l'inscrivons dans cette immense continuité des siècles. Si nous faisons une restauration, nous espérons qu'elle va durer 100 ou 200 ans, c'est-à-dire bien au-delà de nos propres vies et de nos propres carrières. Et c'est sans doute ça ce qui est l'essence d'un musée, c'est de se détacher de son temps personnel, du temps humain, au profit d'un temps qui est plus un temps universel, un temps d'histoire, et qui permet aux choses de se décanter et surtout de transmettre un capital intact tel que nous le recevons. Bah, en tout cas, là, sur le temps court, il est temps, dans le cours de l'histoire, de retrouver Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Savez-vous pourquoi Jeanne d'Arc entendait des voix ? Lors du procès en condamnation intenté à Jeanne d'Arc par un tribunal ecclésiastique en 1431, elle a reconnu que, dès qu'elle a entendu ses premières voix, des manifestations visuelles sont venues compléter ses perceptions auditives. Par la suite, chacune de ces hallucinations verbales a été accompagnée par des phénomènes lumineux intenses. Ajoutons à cela le caractère mystique de ces apparitions, puisque les principaux interlocuteurs de Jeanne étaient le plus souvent des anges et des saints. Ces constats ont incité des psychiatres qui se sont penchés sur son cas à conclure que les voix et les visions de Jeanne étaient les symptômes d'une épilepsie temporale. Ce trouble psychique se caractérise par des états de rêve, des sensations de déjà-vu ou des souvenirs, la durée des crises n'excédant pas une minute. Pourtant, l'explication épileptique a été invalidée par d'autres spécialistes car aucune mention de convulsion juvénile n'a été rapportée durant le procès de Jeanne. D'autres auteurs ont alors émis l'hypothèse que l'insistance de Jeanne à se présenter comme une envoyée de Dieu, chargée d'une mission divine pour sauver le royaume de France, était le signe d'une schizophrénie paranoïde, un trouble psychotique qui se caractérise par un délire flou et non structuré. Les psychiatres l'observent fréquemment aujourd'hui chez des sujets jeunes qui se présentent eux aussi comme des émissaires de Dieu. Le plus souvent, cette maladie débute par une bouffée délirante brutale, comparable au récit de Jeanne d'Arc, qui a affirmé qu'un ange s'était brutalement adressé à elle quand elle avait 13 ans. Mais cette hypothèse a été, elle aussi, invalidée. Des historiens ont rappelé que Jeanne avait été décrite par tous ceux qui l'ont connue dans sa jeunesse comme une enfant parfaitement équilibrée, ne présentant aucun trouble du comportement. De plus, tout au long de son procès, elle a répondu de façon cohérente aux questions des juges, ce qui n'aurait pas été possible si elle avait souffert d'un délire non structuré. Finalement, il se pourrait bien que Jeanne n'ait été affectée d'aucun trouble psychiatrique. En projetant sur elle des interprétations qui sont pertinentes pour la société actuelle, les analyses rétrospectives des psychiatres risquent de pécher par anachronisme. Il faut rappeler en effet que le contexte socioculturel de son époque était fort différent du nôtre. On sait que Jeanne d'Arc ne fut pas la première femme de son temps à mobiliser le langage de la prophétie avec son cortège de visions et d'expériences mystiques. Ces fameuses voix s'expliquent peut-être par des raisons plus banales. Lors de son procès, Jeanne a évoqué des tensions familiales qui pourraient l'avoir incitée à quitter brutalement ses parents à l'âge de 17 ans. L'hypothèse d'une fugue nous oriente alors vers une simple crise d'adolescence. En affirmant avoir entendu des voix qui lui confiaient une mission divine, Jeanne d'Arc aurait manifesté un désir d'originalité et une propension à faire de soi un être exceptionnel, comportement que l'on retrouve souvent lors des crises d'adolescence. Son opposition effrontée face aux adultes du tribunal ecclésiastique, qui apparaît clairement dans les archives de son procès, est un autre argument plaidant en ce sens. Merci Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Louise André avec aujourd'hui à la technique Yvan Turc. Une émission préparée par Mayou Nguizhou, Marion Dupont, Anne-Toscane Viudès, Valentine Lovrin, Pauline Maragou et Jeanne Delecroix. Émission à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France.